serait saisie. Si vous mettez des dépenses en analyse ou DNA, en Belgique, je ne sais pas comment on dit les DNA en France, DNA Belgique, vous allez avoir le tableau le plus actualisé, le plus actuel. Des dépenses non admises. Alors, regardons juste quelques petits exemples par rapport à ça. Donc, en règle générale, les entreprises empressent toutes les dépenses non admises parce qu'il n'y a pas une société dont les cadres ne vont pas de temps en temps manger au restaurant, société qui n'a pas de voiture mise à la disposition du personnel, qui n'a pas de vêtements professionnels ou des PV, etc. Et donc, comme ça, à titre tout à fait informatif, voici les taux admis avec éventuellement ici le problème de récupération de la TVA. Parce que c'est deux choses différentes. La TVA, c'est ce que vous payez à votre fournisseur. Est-ce que vous pouvez la récupérer totalement ou partiellement? Normalement, si vous achetez un bien pour 100 plus TVA, vous allez payer 121. Vous pouvez récupérer les 21. Donc la TVA en amont, vous la récupérez. Mais lorsque vous allez vendre en aval à vos clients, la TVA, vous devez la verser à l'administration. Ils sont bien d'accord là-dessus. En tout cas, j'espère. Je vais juste vérifier que cet élément est bien connu, tout simplement parce que c'est important pour la suite des opérations. Donc votre entreprise est ici, elle est assujettie à la TVA. Chaque fois que vous vendez un bien pour 400 000 euros plus 84 000 de TVA, donc ça, c'est les ventes ou chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires fait partie des ventes. C'est ce que vous vendez à votre client. Et imaginons que les marchandises que vous avez vendues à 400 000, que vous les ayez achetées à 100 000. Marge. Normal. Donc vous avez acheté à vos fournisseurs pour 100 000 plus 21% de TVA, 21 000. Alors, ce n'est pas la première fois que je fais ce tableau, mais on comprend de plus en plus de mécanismes au fur et à mesure que je le présente. Et donc, ce que je voulais simplement que vous reteniez maintenant, au-delà de ce que vous avez déjà retenu, à savoir que ces 84 000 sont à payer parce que si on facture 400 000 plus 21% de TVA, les 21 000 n'appartiennent pas à l'entreprise mais à l'administration dès qu'elle a vendu, même si elle n'a pas encore perçu les 484 000. Pourquoi? Mais tout simplement parce que, étant assujetti, l'entreprise est obligé de faire cela. En contrepartie, les 21 000 qu'elle paye ou qu'elle va payer à son fournisseur, elle peut les récupérer. Et donc finalement, si vous payez 84 000 et que vous récupérez 21 000, eh bien, ce que ça vous aurait coûté in fine, c'est 63 000. Et 63 000, c'est la TVA sur la valeur ajoutée. Comme vous avez vendu à 400 000 ce que vous avez acheté à 100 000, il y a une valeur ajoutée. c'est 300 000, 63 000. Vous pouvez multiplier autant de fois que vous voulez cette procédure. Chaque entreprise, parce que ce client peut être lui-même une entreprise qui achète à 400 000 et qui va revendre peut-être à 500 000 ou 600 000 ou 700 000. Et donc, il peut y avoir dans l'enchaînement des affaires autant de maillons jusqu'à ce que le client final soit non assujetti, c'est-à-dire un consommateur comme vous et moi, qui ne récupère pas la TVA. D'accord ? Donc, chaque entreprise qui est finalement dans ce processus récupère la TVA en amont. Il paye à l'administration la TVA sur la vente en aval. Et chaque entreprise ne supporte que la taxe sur la valeur qu'elle a ajoutée à 100 000 boules pour en faire un autre. Jusqu'au consommateur final que nous sommes, parce que nous ne récupérons pas la TVA. Et donc, si vous achetez quelque chose dans une grande surface, vous payez le prix TVA comprise et il n'y a pas de problème. Alors, donc vous récupérez la TVA, toujours à 100%, mais, et c'est la raison de ce petit schéma, il y a des achats sur lesquels vous ne récupérez pas la totalité de la TVA, notamment les véhicules. Si vous achetez un véhicule de transport de personnes, donc une bagnole, une voiture, vous ne récupérez que 50%. Si vous achetez un camion, un véhicule utilitaire, vous récupérez 100% de la TVA. Il y a quelques limites aussi lorsque vous achetez du carburant, lorsque vous achetez des fleurs, mais globalement, c'est 21%. Attention, je prends toujours 21%, c'est le taux normal en Belgique, mais vous pouvez avoir un taux de 6% pour tout ce qui est alimentaire, parfois pour certains travaux sur les immeubles. Il peut y avoir d'autres taux, mais globalement, le taux normal, c'est 21%. Donc, dans le tableau que je vais montrer, il y a la possibilité de récupérer ou non la totalité de la TVA. Deuxièmement, vis-à-vis des réductions de valeur dont j'ai parlé tout à l'heure, au moment où vous vendez, vous versez la TVA à l'administration pour le 20 du mois qui suit le mois ou le 20 du mois qui suit le trimestre. Et si jamais ce client tombe en faillite, vous perdez les 400 000 et l'administration vous rembourse 84 000. Imaginons maintenant que le client ne tombe pas tout à fait en faillite, ou bien il tombe en faillite, mais le curateur de la faillite vous verse quand même 200 000. S'il vous verse 200 000 sur 400 000, l'administration de la TVA va vous rembourser 42 000. D'accord ? Donc l'administration de la TVA ne va pas vous rembourser la totalité de la TVA si jamais vous récupérez quelque chose. L'administration de la TVA vous remboursera ce que vous avez perdu proportionnellement par rapport à ce que vous aviez vendu, à ce que vous avez récupéré. Alors, quand je dis que les 400 000 ou les 200 000 sont perdus, pas tout à fait, parce qu'en réalité, les 400 000, tout à l'heure j'avais pris un exemple d'une vente de 121 000, c'est-à-dire 100 000, c'est pas tout à fait perdu, parce que je les mets en charge et je réduis le bénéfice imposable. Donc, vis-à-vis de l'impôt des sociétés, c'est pas perdu. Donc, la réduction de valeur m'a permis de réduire la base imposable puisque j'ai augmenté mes charges. Donc, grâce à la réduction de valeur, j'ai un bénéfice comptable et bénéfice fiscal moindre. Donc, ça n'est pas tout à fait perdu. Alors, revenons maintenant au tableau dont j'ai parlé très rapidement. On a beaucoup de choses à voir en réalité En deuxième année, je suis plus à l'aise parce que j'ai un très gros cours et on fait beaucoup de comptabilité approfondie. Ici, comme j'ai des étudiants qui ne suivent le cours de compta qu'une fois, notamment un certain nombre d'étudiants du master en droit, il faut que je donne un certain nombre d'éléments qui peuvent être importants pour eux dans la suite de leurs études ou dans leur carrière professionnelle, et donc j'ai beaucoup de matières que je dois faire passer. Et le nombre d'heures est totalement insuffisant, mais je ne demande pas à ce qu'il y ait plus d'heures. Alors, donc parcourons simplement les deux colonnes, ou les trois colonnes. Donc ici, le libellé, de quoi il s'agit, ici la déductibilité en impôts des sociétés, ici la TVA. C'est deux choses différentes. Même si les deux administrations peuvent se trouver dans le même bâtiment, même si les deux administrations peuvent se communiquer, elles se communiquent des informations, vous avez un raisonnement vis-à-vis de la TVA et vous avez un raisonnement vis-à-vis de l'impôt des sociétés. D'accord ? Néanmoins, lorsque vous avez un redressement chez l'une, ne vous faites pas de soucis, l'autre administration est rapidement au courant. Alors, donc, parcourons juste quelques points. Pourquoi ce truc ne se remet pas ? Voilà, peu importe. Donc, cadeau d'affaires, 50% ou 100% s'il s'agit d'échantillons, etc. Et alors, vous pouvez récupérer soit une partie de la TVA, soit la totalité de la TVA. Deuxième point, les frais de réception. Si il y a des frais de réception dans une institution, à l'intérieur de l'institution, c'est 50%, 100%. Si c'est dans une salle destinée à des tiers qui peut accueillir éventuellement des externes. Prenons un exemple. Vous avez par exemple une piscine communale et puis il y a une cafette qui est ouverte à tout le monde. Eh bien, cette cafette peut être considérée comme un lieu de consommation avec un taux de TVA différent. Alors, au niveau des frais des voitures, les frais de voiture, ça a changé. Voilà. Les amendes, c'est 0%. Vous ne récupérez rien du tout. Il n'y a pas de déductibilité. Voilà. Pour les avantages sociaux. Donc, en fait, je voulais juste attirer votre attention ici, voilà, sur les frais de restaurant. La règle générale, c'est que c'est 69%. Donc, si vous allez au restaurant et que vous payez 1 000 €, vous pouvez déduire 690 et les 310 sont enlevés de vos charges parce que c'est des dépenses non admissibles. Donc, quelqu'un m'a posé la question de savoir quelle est la différence entre le bénéfice fiscal et le bénéfice comptable. Eh bien, je vous l'ai dit, le bénéfice fiscal, c'est le bénéfice comptable plus toutes ces dépenses non admises. Et donc, la plupart du temps, le bénéfice fiscal est supérieur au bénéfice comptable parce que toutes les entreprises ont des notes de restaurant, des frais de véhicule, etc., donc des dépenses non admises. Si par contre, si par hasard, les dépenses non admises étaient de zéro, et si les revenus définitivement taxés étaient de zéro, le bénéfice fiscal serait égal au bénéfice comptable, mais ça n'arrive presque jamais. Donc retenez simplement que vous pouvez avoir un bénéfice comptable, mais vous ne payez pas d'impôt parce que vous avez plusieurs pertes fiscales anciennes à déduire, à récupérer. De même, vous pouvez être en perte comptable tout en étant en bénéfice fiscal et vous payez des impôts parce que vous avez beaucoup de dépenses non admises. Voilà. Je quitte ce domaine et on revient aux amortissements. Alors, donc les éléments de PCMN et tout ça, ça a été étudié. Je vais juste aborder maintenant les travaux de clôture. Il s'agit d'actions détenues dans d'autres sociétés, mais il n'y a pas de durée de vie limitée. Les actions que vous détenez dans d'autres sociétés peuvent perdre de leur valeur pour des raisons de rentabilité de ces sociétés-là, mais ça n'est pas lié au temps. Donc les actions, les participations, les terrains ne s'amortissent pas. En revanche, si vous enlevez les terrains, des immobilisations corporelles, attention, quand on parle des immobilisations, vous avez les immobilisations incorporelles, vous avez les immobilisations corporelles, et vous avez les immobilisations financières. Les participations, ça fait partie des immobilisations financières. Les terrains font partie des immobilisations corporelles. Si vous examinez les comptes de Netis, vous allez trouver que cette filiale de l'intercommunale Publifin, c'est une intercommunale, mais elle a des filiales, sociétés anonymes de droit privé. Et Netis, dont on examinera les comptes la prochaine fois, eh bien, l'essentiel de ses actifs, c'est des participations. D'accord ? Donc, tout en étant filiale d'une intercommunale, donc qu'est-ce qu'on appelle une intercommunale ? C'est une société qui est créée par plusieurs communes ou plusieurs provinces. En l'occurrence, Publifin appartient majoritairement à la province de Liège, à quelques communes wallonnes, plus une commune flamande. Et cette intercommunale a créé une filiale, laquelle filiale a plusieurs sous-filiales, dans l'audiovisuel, dans l'immobilier, dans la presse, en Belgique et en France. Et par exemple, l'essentiel d'un total bilanteur qui est de 2,5 milliards. Hein, donc attention, quand on parle de Netis, ce n'est pas une PME, c'est un colosse qui est dans le domaine de l'électricité, mais qui investit pour diversifier ses participations. L'essentiel de ses actifs, c'est des participations dans d'autres sociétés. Mais dans les immobilisations corporelles, donc on a les terrains, on a les constructions, on a le mobilier, les machines. En fait, les comptes 22 à 27. Les immobilisations financières, c'est les 28. Et les immobilisations incorporelles, c'est les 21. Donc, quand on parle d'actifs immobilisés, soit c'est des incorporels, c'est-à-dire immatériels, brevets, recherche et développement, pas plus exactement, brevets et développement. La recherche, elle ne peut plus être activée. Immobilisation corporelle, tout ce qui est 22, 23, 24, 25, etc. Terrain, construction, mobilier, matériel. Retenez que les terrains ne sont pas l'objet d'amortissement parce qu'ils n'ont pas de durée de vie limitée. Et dans les immobilisations financières, les participations n'ont pas de durée de vie limitée, on ne les amortit. Alors, nous avons ici les trois définitions de l'amortissement. Mais pour qu'on puisse comprendre ces trois définitions, je vais donner un petit exemple. En Belgique, nous avons deux types d'amortissement. Nous avons l'amortissement constant, dit linéaire, parce que c'est la même annuité chaque année, et l'amortissement variable, qui peut être dégressif ou progressif. En comptabilité, en fiscalité, nous avons l'amortissement linéaire et l'amortissement dégressif. Alors, linéaire, ça veut dire que c'est la même annuité chaque année. Dégressif, eh bien, ça veut dire que vous avez plus d'amortissement la première année, moins la deuxième année, encore moins la troisième année, donc vous amortissez plus vite, de manière accélérée, vos actifs immobiliers. Quel est le plus intéressant sur le plan fiscal? Eh bien, fatalement, c'est le linéaire, c'est le dégressif, pardon. Parce que dans le dégressif, vous avez plus d'amortissement au cours de la première année. Prenons un exemple, vous achetez une machine pour 100 000 euros. Regardez bien. Vous achetez donc cette machine pour 100 000, et c'est un actif immobilisé professionnel. C'est pour fabriquer les meubles que vous vendez. C'est vous, conseil d'administration, qui allez déterminer la durée de vie. Si vous estimez que la durée de vie économique du bien est de 5 ans, eh bien, ça veut dire que vous allez amortir 20 000 chaque année. Le taux, c'est toujours 100 divisé par la durée de vie. Donc, le taux linéaire est de 20%. Donc, 100 divisé par la durée de vie, ça vous donne le taux linéaire. Donc, ici, pour revenir à mon explication fiscale, si je choisis d'amortir en linéaire, je vais avoir 20 000. Mais si j'opte pour le dégressif, je vais avoir 40 000. Parce que le dégressif, c'est le linéaire fois 2. Donc, dégressif égale le linéaire fois 2. Donc, en l'occurrence, j'ai 40%. Je reprends. On achète une machine pour 100 000. On estime que la durée de vie est de 5 ans. Le taux linéaire est de 20%, 100 divisé par 5. Le taux dégressif est de 100 divisé par 5 fois 2, 40%. En ce moment, je peux choisir librement soit le linéaire, soit le dégressif. Simplement, en vertu des principes comptables, il y a un principe qui s'appelle le principe d'uniformité et de constance des méthodes, dont je n'ai pas beaucoup parlé. Ce principe de constance des méthodes indique que si vous choisissez l'amortissement linéaire pour votre machine, vous devez rester pendant 5 ans avec le linéaire. Si vous choisissez le dégressif, vous devez rester avec le dégressif. Vous ne pouvez pas dire, cette année, j'ai beaucoup de bénéfices, je vais choisir le dégressif. L'année suivante, j'ai des pertes, je vais faire le linéaire, ou bien je ne vais pas faire l'amortissement du tout. Non. Principe de constance des méthodes, une fois que vous avez choisi un mode d'amortissement linéaire dégressif, vous devez vous en tenir. Et vous ne pouvez pas faire l'amortissement en fonction de vos résultats. Ce sont vos résultats qui dépendent de votre amortissement. D'accord ? Donc, si je choisis le linéaire, je ne déduis que 20 000. Vous voyez ? Si j'ai par exemple un chiffre d'affaires de 100 000, si j'ai choisi le linéaire, je vais avoir un bénéfice de 80 000. Si par contre j'ai choisi le dégressif, je vais avoir un bénéfice de 60 000. Et donc ma direction financière va regarder ce que je fais, parce que dans le premier cas, je vais payer 33%, 33,99% de 80 000 si mon bénéfice fiscal est égal au bénéfice comptable. Vous voyez pourquoi j'en ai parlé. Dans le deuxième cas, je ne paierai l'impôt que sur 60 000. Donc, l'amortissement dégressif est plus intéressant sur le plan fiscal. D'accord ? Alors, donc comme je vous ai dit, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Et prenons l'exemple suivant. Vous achetez un matériel de 30 000. Plus TVA. La durée de vie est de 5 ans. Au fait, que se passe-t-il si j'achète un matériel de 30 000 et que je décide que la durée de vie est de 1 an? Eh bien, regardez bien, parce qu'il faudrait que vous soyez sensible à cela. Je trace un bilan et un compte de revenu. Quand je vous ai dit que c'est l'organe de gestion qui choisit le taux d'amortissement et la durée de vie, vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez quand même. Imaginons que vous choisissiez une durée de vie de 5 ans. Eh bien, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir votre matériel de bureau de 30 000. Vous allez l'amortir à la fin de l'année 6 000. Il ne restera plus que 24 000. Nous sommes d'accord, vous avez choisi 5 ans. Imaginons que vous choisissiez 2 ans. Quel est le problème qui va se poser? Et là, votre réviseur risque de ne pas accepter et votre contrôleur fiscal encore moins. Imaginons que vous décidiez d'amortir ce matériel en 2 ans ou même en 1 an. Donc, vous mettez ici le montant de 30 000. Lorsque vous êtes contrôlé, normalement votre expert comptable et aussi votre conseiller fiscal, il est censé redresser avant que le contrôleur fiscal n'arrive. Si vous mettez ici 30 000, 15 000, l'administration fiscale va vous ramasser en vous disant est-ce que votre matériel ne dure qu'un an ou 2 ans ? S'il dure 5 ans ou 4 ans, il faut l'amortir sur 5 ans ou sur 4 ans. Principe de réalisation des produits et de correspondance des charges aux produits. Donc, c'est vous qui déterminez la durée de vie, mais si jamais elle ne correspond pas à la réalité, vous allez avoir un redressement. Vous ne pouvez pas acheter un véhicule et l'amortir en une année. Si votre véhicule est de 30 000 et que vous mettiez, par exemple, 30 000 en charge, vis-à-vis de l'administration fiscale, mais déjà avant, avec votre expert comptable, on va vous dire que ce n'est pas une charge, parce que vous ne consommez pas un véhicule en un an. Il faut le mettre à l'actif du bilan et ne mettre en charge que ce que vous consommez. Et qu'est-ce que vous consommez sur une voiture? C'est l'amortissement, c'est la dépréciation, c'est le vieillissement. Donc, regardons juste ces deux tableaux. Lorsque vous achetez les lunettes, il est midi ou peut-être pas midi, ma montre avec un. Il est moins simple. Donc, tableau d'amortissement linéaire, lorsque vous achetez un investissement, vous devez l'accompagner d'un tableau d'amortissement pour la durée de vie du bien. Vous n'allez pas calculer les amortissements chaque année. Vous faites au départ un tableau d'amortissement qui indique votre intention vis-à-vis de ce matériel. Donc ici, vous avez acheté votre matériel pour 30 000, plus TVA. La TVA, vous la récupérez, donc vous ne l'amortissez pas. Nous sommes d'accord. Vous n'avez pas amorti la TVA alors que vous l'avez récupérée. Si vous avez acheté ce matériel en janvier 2016, vous avez dû récupérer la TVA en février 2016. À la fin de 2016, vous avez amorti 30 000, mais la TVA, vous ne l'amortissez pas parce que vous l'avez récupérée. Si jamais vous ne récupérez que la moitié de la TVA, alors vous amortissez l'autre moitié. D'accord ? Mais si vous récupérez la TVA, vous n'amortissez que le montant hors TVA. Eh bien, regardez bien, nous avons ici les années, nous avons l'annuité, nous avons des amortissements cumulés et nous avons la valeur nette comptable. Ça veut dire qu'avec ce tableau d'amortissement, vous avez chaque année les informations pour faire votre bilan et votre compte de résultat. Donc, à la fin de la première année, notre matériel est de 24 000, c'est-à-dire cette information. Et dans le compte de résultat, nous avons une dotation aux amortissements de 6 000, c'est-à-dire ceci. D'accord ? Deuxième année, nous avons 18 000. Et dans le compte de résultat, nous avons 6 000. Troisième année, 6 000. Donc, en fait, chaque année, on amortit l'annuité qui est constante. Si par contre, vous choisissez, vous optez pour l'amortissement dégressif, regardez bien, eh bien, au lieu de faire 30 000 fois 20%, on fait 30 000 fois 40%. Et ça vous donne 12 000. Ça veut dire qu'au lieu de déduire 6 000, je déduis 12 000. C'est plus avantageux sur le plan fiscal. Alors évidemment, vous ne dites pas, mais finalement, ça revient au même parce que je vais quand même déduire mes 30 000. Non. Ce qui intéresse le CFO, le directeur financier de l'entreprise, c'est qu'au plus vite il récupère, au mieux c'est. D'accord ? Un tiers vaut mieux que deux tu auras. Donc, si vous déduisez 12 000, c'est mieux que si vous